Reste devant cette page blanche. Adjusting. Adjusting. I stop it. Thank you. restes devant cette page blanche où je voulais écrire notre romance. On s'est dit oui pour la vie, pas de tous les ennuis. On s'est créé un paradis pour y vivre sans Sophie. Tu es toute ma the volume on the bass track, you change the volume. I do this for band central. I pump up the volume and I hear bass. My voice is a good volume. Yeah, mais tu es parti vers d'autres bras. Mais tu es parti vers d'autres bras, un autre lit. Ok, ok. Ah, I hear my voice. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yes. I could test this lyric on another song. I Hear You, and I try to sing this French text. It's not my text, it's the text of Jean-Philippe Boursier. Jean-Philippe Boursier. J'espère qu'il n'en veut pas, Jean-Philippe, j'ai piqué ça sur internet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons vous présenter les musiciens. À la batterie, Mister KRMS. La basse, Monsieur Thompson Price. À la guitare, monsieur, madame, je sais pas, tous les garçons, 2-7, 2-7, Ryan, and Mr. Close, monsieur Close, qu'est-ce que tu fais? We'll be right back. nous allons souhaiter une bonne nuit à Mr. Klaus. Chez Mr. Klaus, il fait nuit. Je crois que tu es français, bluesman, hein, c'est ça? Et nous, en France, il fait soleil. C'est encore l'été. On en profite. Salut. L'hiver et la neige. Il est moins 10, kiffe cannabis. Ah, c'est quoi ce texte? Elle est cool, celui-là.